Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le destin tragique de Justin Fashanu, le premier footballeur professionnel à avoir fait son coming out. En 2018, Olivier Giroud, numéro 9 de l'équipe de France, s'exprime dans les pages du Figaro et il dit « Il est impossible d'afficher son homosexualité dans le foot. » Et il le regrette. Les faits semblent lui donner raison. Aujourd'hui, un seul joueur pro en activité est homosexuel, et il le dit, le Suédois Anthony Zen, qui joue en deuxième division. D'autres, comme Olivier Rouillet en France, l'Américain Robbie Rogers ou l'Allemand Thomas Hitzlsperger, ont attendu leur retraite footballistique pour faire leur coming out. Mais le tout premier joueur pro à avoir révélé publiquement son homosexualité, c'est l'Anglais Justin Fashanu. En 1990, il va bousculer et scandaliser le Royaume-Uni sur fond de tabloïdes, de conflits familiaux et d'homophobie. 8 ans plus tard, après une accusation d'agression sexuelle, il se suicide, laissant derrière lui le souvenir d'un homme complexe, à la fois torturé et charismatique. Retour donc sur le destin de celui qui est aujourd'hui devenu un symbole de la lutte contre l'homophobie dans le foot, Justin Fashanu. Notre invité aujourd'hui, Johan Lemaire, auteur de « Je suis le seul joueur de foot homo », enfin j'étais, publié chez Texte Gay en 2009, et réalisateur du documentaire « Footballeur et homo, au cœur des tabous », diffusé sur France 2 en mai dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Justin Fashanu, né à Londres le 19 février 1961, un an et demi avant son petit frère, John. Leur père, un avocat nigérian, est retourné vivre en Afrique, laissant leur mère, Pearl, d'origine guyanaise, seule avec ses 4 enfants. Sans ressources, Pearl Fashanu va faire un choix douloureux. Elle abandonne les 2 plus jeunes, Justin et John, à l'orphelinat, dans l'espoir qu'une famille les recueille. Justin Fashanu a 5 ans et il ne comprend pas. Pourquoi lui? Pourquoi son frère? Et pas les 2 aînés? Toute sa vie, blessé par cette décision, il ne cessera de se poser la question. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Les 2 petits garçons, Justin et John, sont vite accueillis par une même famille du côté de Norfolk, dans la campagne anglaise à l'est du pays. Une famille très aimante, les Jackson, mais qui ne va jamais réussir à faire oublier au petit Justin qu'il a été abandonné. Le jeune garçon partage avec son frère une relation fusionnelle, mais aussi un malaise croissant à mesure que les 2 grandissent. Car au village, comme dans la famille Jackson, tout le monde est blanc. Dans l'Angleterre des années 70, celle du député anti-immigration Enoch Powell, Justin Fashanu découvre le racisme. Dans les rues de son village, mais aussi sur les terrains de foot. Le football, il y joue avec son frère John depuis qu'il a 6 ans. Athlète né, doué pour le sport en général, il est bon au rugby, au basket, au baseball, à la boxe, à la course. Mais il le sent, c'est dans le foot qu'il peut percer. Car Justin est ambitieux, il rêve de briller pour être aimé. Attaquant, talentueux, à la fois technique et physique, le jeune homme va signer son premier contrat professionnel au Norwich City en première division. Il a alors 17 ans. Et c'est là, chez les Canaries, qu'il va rapidement devenir l'étoile montante du foot anglais. 40 buts en 100 matchs, dont une reprise en pleine lucarne devenue historique, et le plus beau but de la saison 1980 contre Liverpool et son mythique gardien, Ray Clements. Ryan, Fashanu. Oh, oh, what a goal! Oh, that's a magnificent goal! Didn't seem to be the room between Ray Clements' hand and the post. And John Bond still wants to make an offensive point and cover. As the crowd applauds, surely one of the best goals I've seen at Carrow Road this season. Justin Fashanu a 20 ans, des airs de mannequin et un sourire éclatant. Il est beau, doué, élégant. Il aime les caméras et les caméras ne lui rendent bien. Son but dans la vie, il l'explique à la télé. Être riche et célèbre, oui, jusqu'à choper un peu la grosse tête, au point d'en oublier son frère cadet, John, avec qui il a grandi et partagé les souffrances de l'enfance, l'abandon, le racisme. John lui aussi est footballeur. Mais malgré son talent, il reste dans l'ombre de ce frère aîné à qui la vie semble enfin sourire. Justin Fashanu, petite star locale de Norwich, cache sous une aisance à toute épreuve des failles intimes qu'un air triste trahit parfois. Alors il lui reste la gloriole pour masquer la peine et l'incertitude. Jusqu'à la consécration en 1981, Nottingham Forest, double champion d'Europe en 1979 et 1980, achète Justin Fashanu pour 1 million de livres, l'équivalent d'1 700 000 euros. Un transfert record à l'époque, qui fera du joueur le premier footballeur noir à 1 million. Car en 1981, ce qui différencie Justin Fashanu de la grande majorité des joueurs anglais, ce n'est pas sa sexualité qui n'intéresse alors personne, non, c'est sa couleur de peau. Désormais attaquant star des champions d'Europe en titre, le joueur endosse une responsabilité nouvelle. Pour Justin Fashanu, il ne s'agit plus seulement d'être riche, mais de devenir un modèle. Ce qui me motive, c'est que je joue pour des personnes noires qui n'ont peut-être pas la même vie que la mienne, qui vivent dans des ghettos et qui subissent des discriminations. Je pense que c'est bien qu'ils sachent qu'un noir peut réussir. Je pense que ça leur donne de l'espoir. À Nottingham Forest, Justin Fashanu, petite vedette en devenir, va se heurter à plus fort que lui. Le mythique coach Brian Clough, qui a fait grimper l'équipe de la D2 jusqu'à la Champions League. L'entraîneur, connu pour ses bons mots et son tempérament de feu, est un homme charismatique à qui il faut obéir au doigt et à l'œil. Personne n'ose le dire à l'époque, mais Brian Clough, surtout quand il a bu, c'est-à-dire tout le temps, peut se montrer écrasant, tyrannique, tendance, pervers narcissique. Alors, quand il voit arriver Justin Fashanu au premier entraînement, habillé de fourrure des pieds à la tête, il y voit de l'arrogance, de la provocation. Rapidement, les relations entre le coach de Nottingham Forest et son nouvel attaquant se dégradent. Le joueur souffre du mépris de son entraîneur, mais aussi des supporters qui semblent regretter l'investissement du club. Sous pression, Justin Fashanu ne marque pas, ou si peu, 3 buts en 32 matchs pour la saison 81-82 des buts. Trop rare qu'il claque en pensant à Dieu, comme il explique, oui, lors de ce congrès où il intervient après sa conversion au christianisme évangélique. Un jeune homme m'a dit hier, tout ce que je dis sur vous, c'est toujours à propos de vous. Fashanu, vous ne parlez jamais de Dieu. Je me suis dit qu'il avait raison. Je joue au foot pour Justin Fashanu. Mais à partir de maintenant, je jouerai pour Dieu, pour le satisfaire. Ce jeune homme a vraiment été une bénédiction pour moi. Quand je marquerai un but, et je pense qu'il est temps que j'en marque un, ce sera pour Dieu. Justin Fashanu est un born-again Christian, un chrétien évangélique qui s'est tourné vers Dieu au tournant des années 80 pour laver ses péchés. Il passe beaucoup de temps à l'église, évangélise ses proches et parle régulièrement de la Bible. Une lubie insupportable pour son entraîneur Brian Clough, que les succès de Justin en équipe d'Angleterre Espoir, championne d'Europe 82, ne suffisent pas à convaincre. L'entraîneur déplore ce recrutement peu rentable et il va aller très loin dans la vindicte. Un an après l'arrivée du joueur à Nottingham Forest, l'irascible coach va jusqu'à appeler la police pour virer Justin Fashanu d'un entraînement auquel il ne l'avait pas convié. Des témoins raconteront que le joueur était alors accompagné d'un membre de la congrégation religieuse à laquelle il appartenait, un conseiller spirituel qui l'accompagnait alors partout, provoquant la colère de son entraîneur. Mais si Brian Clough exclut progressivement Justin de l'équipe, ce n'est pas seulement pour ses excentricités, ni pour sa religiosité soudaine et voyante. Le problème pour l'entraîneur despotique, c'est l'orientation sexuelle de son joueur. Car la rumeur court, Justin Fashanu aurait été vu dans des bars gays de Nottingham. Et ça, le coach ne peut pas le supporter. Tapette, pédé, gonzesse, régulièrement Clough humilie Fashanu devant les autres joueurs. Des insultes homophobes qui pèsent sur les épaules du footballeur, bien sûr, en prise avec ses propres déchirements. Car si le jeune homme de 20 ans est effectivement homosexuel, il vit mal ses préférences amoureuses en contradiction avec sa religion. Justin Fashanu prône alors le célibat mais vit des aventures de nuit qui le tourmentent. D'autant qu'à Nottingham, où il mène une double vie, le joueur n'a personne à qui parler de ses doutes. Son ami, le militant LGBT Peter Tatchell, qu'il a rencontré dans un club londonien en 1981, se souvient que sa foi et le harcèlement dont il a fait les frais à Nottingham Forest le déchiraient intérieurement. D'après les nombreuses conversations que j'ai eues avec Justin, il est très clair que l'homophobie de Brian Clough, qui se moquait de lui, qui le ridiculisait sans cesse, a vraiment été dommageable pour lui sur le plan psychologique. Au début, ça le faisait rire, mais après plusieurs semaines, plusieurs mois, ça a commencé à l'atteindre. En difficulté sur le terrain, Justin Fashanu souffre d'autant plus qu'il subit également le racisme des supporters adverses. Insultes, cris de singe, peau de banane jetée sur le terrain. En 1981, comme aujourd'hui encore, il n'est pas toujours bon d'être noir sur un terrain de foot. Fin 82, Nottingham Forest brade Justin Fashanu pour 15% de son prix, soit 150 000 livres au club de Nottingham County, l'ennemi de l'équipe de Brian Clough. Loin de l'entraîneur homophobe, l'attaquant met des buts, de nouveau 20 en 64 matchs. Mais il a définitivement perdu de sa superbe. Sa cote baisse et il est racheté 3 ans plus tard, 115 000 livres, par Brighton. C'est là, sur les terrains de deuxième division, que Fashanu se blesse gravement au genou en 1985. Et c'est le début de la fin. Le joueur de 24 ans se ruine en opération chirurgicale, mais aussi en montres, vêtements et voitures luxueuses, peut-être pour continuer à éblouir malgré ses piètres résultats sportifs. Son frère cadet, John Fashanu, lui aussi footballeur professionnel, raconte. Il a dépensé tout son argent en cherchant le remède miracle pour son genou. À l'époque, je commençais à avoir du succès, à gagner de l'argent. Et j'essayais d'aider Justin du mieux que je pouvais. Il m'appelait souvent pour me demander de l'argent, beaucoup d'argent. Il épuisait mes économies parce qu'il dépensait tout. Son style de vie n'a jamais changé, et c'était problématique. J'ai bâti mon succès en observant Justin, en corrigeant ses erreurs. Il a toujours vécu dans le luxe, et on pensait qu'il avait assuré ses arrières. Mais c'était un château de sable. Dans les années 80, le frère cadet de Justin, John Fashanu, est une star du football anglais. Fash de Bash, le cogneur, c'est son surnom, est sorti de l'ombre de son grand frère, qu'on appelle lui Fash de Flash, l'éclair. Tandis que Justin, relégué en deuxième division, peine à soigner son genou, John est au sommet. Au Wimbledon FC, il connaît avec ses excentriques coéquipiers Willie Jones et Dennis Wise une ascension fulgurante qui leur vaut le surnom de Crazy Gang. John Fashanu, with the chance for his 21st goal of the season to make it 1-1. And he takes it in such a simple fashion. Avec Justin et John Fashanu, les médias britanniques tiennent de bons clients. Deux petits génies du foot, issus de l'assistance publique. Deux personnalités hautes en couleur qu'on verrait bien évoluer dans la même équipe. Mais les rumeurs d'un rachat de Justin Fashanu par le Wimbledon FC ne durent pas. Et c'est son frère qui va le premier les faire taire. Pas de place pour deux Fashanu dans l'équipe, qui d'ailleurs a déjà son attaquant, déclare-t-il à la télé. John prend sa distance, c'est à son tour d'être sous les projecteurs. À la fin des années 80, la carrière de Justin Fashanu est au plus bas. Après un passage furtif à Los Angeles, il rentre en Angleterre où il continue de courir de déception en déception. Deux matchs à Manchester City en D1, puis deux matchs en D2 à West Ham et 5 à Leyton en 3e division. Pour gagner sa vie, le joueur accepte même des extras dans le football amateur. Bref, pour celui qui était encore une star montante, il y a à peine 10 ans, c'est la débandade. Et pas seulement sur la pelouse. Justin Fashanu, étoile filante du football anglais, accumule désormais les petits contrats, les amants décevants et les dettes. S'il continue à se la jouer fêtard, show-off et friqué dans les clubs de Londres, ses amis savent que la réalité est bien plus sombre. Le jeune homme de 29 ans va mal. I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to referee. En 1990, ruiné, psychologiquement affaibli, Justin Fashanu prend une décision qui va tout changer. Il m'a dit, I'm gay. Je suis gay. I'm a homosexual. Je suis homosexuel. And I'm going to release the story to the Sun. Et je vais révéler une histoire au Sun. And it's going to be a big story. Un gros truc. Being black and getting être into noir trouble et avoir des ennuis, is a good enough story. Ça suffit déjà à la presse. Being black and gay. Alors, être noir et gay, it's Christmas. C'est Noël. So I said, look, the money you're being paid, je lui ai proposé de lui donner de l'argent. Le Sun te donne 80 000 livres. Je les ai. So let me give it to you. Alors laisse-moi te les offrir à la place. Mais Justin Fashanu refuse la proposition de son frère John. Et par l'intermédiaire de son agent, Eric Hall, il vend son coming out au Sun, l'un des tabloïds les plus lus au Royaume-Uni. Car l'argent n'est pas le seul et unique moteur de Justin Fashanu. Si le footballeur veut rendre public son homosexualité, c'est aussi en souvenir des suicides d'un jeune homme de 17 ans rejeté par ses parents. Bouleversé par sa mort, le joueur souhaite utiliser sa célébrité pour envoyer un message à tous les jeunes homosexuels, selon son ami Peter Tatchell, qui accompagne sa démarche à l'époque. Et le 22 octobre 1990, c'est l'heure du scandale pour l'Angleterre de Margaret Thatcher. Le Sun titre en une et en gros caractère, révélation du footballeur star, 1 million de livres, je suis gay. Justin Fashanu devient ainsi le premier footballeur professionnel à révéler son homosexualité. Mais le Sun est un journal connu pour ses scoops scabreux et sensationnalistes, et Justin Fashanu va plus loin. Dans un entretien avec le journaliste Alan Hall, il dévoile avoir eu des relations sexuelles avec un député au sein même du Parlement. Justin ne donne pas son nom, mais l'élu, confondu par sa femme, fera rapidement son propre coming out. Il s'agit de David Atkinson, 50 ans, marié, 2 enfants et membre du Parti conservateur. Pour John Fashanu, le frère cadet de Justin, ses révélations sont une trahison. Dans la presse, il accuse son frère de mentir. « Justin n'est pas vraiment gay », affirme-t-il, « il n'est qu'un paria qui veut qu'on parle de lui ». Les deux frères se taclent par interview interposée. Justin a révélé publiquement ses préférences sexuelles. Tous les footballeurs ne déclarent pas « j'aime les femmes » ou « j'aime les hommes ». Ça ne nous regarde pas. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Je n'aimerais pas jouer ou me changer dans les vestiaires avec un joueur gay. C'est ce que je ressens, donc j'imagine que le reste des footballeurs sont comme moi. C'est décevant parce que je pensais que John était plus profond, qu'il avait plus en lui, qu'il était plus tolérant, parce qu'on a traversé tellement de choses ensemble, notamment quand on était enfant. C'est décevant parce que je pensais que c'était une meilleure personne que ça. Les déclarations de son frère vont profondément blesser Justin, qui décide du coup de couper les ponts avec sa mère et sa sœur pour les préserver, dit-il. Mais l'autre grande souffrance du joueur, c'est la réaction négative d'une grande majorité de la communauté noire. Justin Fashanu, qui espère être soutenu par ceux qui, comme lui, subissent des discriminations racistes, se heurte à un mur d'incompréhension. L'hebdomadaire de la diaspora afro-caribéenne au Royaume-Uni, The Voice, s'en prend à son coming out. C'est un affront pathétique et impardonnable, dénonce dans ses colonnes le journaliste Tony Sewell, qui estime que les homosexuels tendent le bâton pour se faire battre. À ces deux aveux communautaires s'ajoute l'opprobre des supporters, des hommes majoritairement blancs, hétérosexuels, souvent incultes, donc intolérants. Tout cela voit avec hostilité le coming out de Justin Fashanu. C'est simple. Pour le monde du football, fan mais aussi joueur et entraîneur, un homosexuel n'a pas sa place sur un terrain. Les passions tristes autour des footballeurs gays semblent avoir de l'avenir à faire retourner Spinoza dans sa tombe. Tout est un bonus pour moi. Car quand j'ai quitté l'Angleterre, j'étais censé être invalide et on disait que je ne pourrais plus jamais jouer. Il y en a qui pensent que c'est un échec de partir au Canada. Mais ça ne l'est pas pour moi. Parce qu'à chaque fois que je suis sur un terrain de foot, c'est un don de Dieu. Fin 1991, Justin Fashanu a 30 ans. Il est de retour en Angleterre, où il s'est enfin stabilisé dans un petit club anglais de 3e division, Torquay United, où il continue de masquer ses problèmes d'argent sous des habitudes de flambeur et une Rolls-Royce tape à l'œil. Exploitant le filon du scandale médiatique, il va vendre ou tenter de vendre plusieurs scoops aux tabloïds anglais. Il y a d'abord, en 92, sa romance avec l'actrice Julie Goodyear, de 20 ans son aînée, star de la populaire série Coronation Street. La love story entre l'étoile déchue du football anglais et la fantasque comédienne, sincère ou pas, fait vendre. Et les deux tourtereaux en profitent allègrement. Désormais, Justin Fashanu n'intéresse plus la presse sportive. Les seuls exploits que les médias relaient, ce sont ses aventures amoureuses. En 94, alors ce contrat à Édimbourg, en première division écossaise, le joueur promet à l'hebdomadaire londonien The People des secrets concernant deux membres du gouvernement de John Major contre 300 000 livres. Des révélations qu'il promet croustillantes, alors que le premier ministre britannique conservateur mène dans le pays une campagne moralisatrice, back to basics. Mais la mort d'un député conservateur va forcer le joueur à faire marche arrière. Le cadavre de Stephen Milligan, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, est retrouvé vêtu de bas, la tête dans un sac plastique. Justin Fashanu est alors interrogé par la police anglaise à propos du scoop qu'il s'apprêtait à révéler à la presse. Scotland Yard confirme que deux inspecteurs londoniens sont allés chez Justin Fashanu à Édimbourg après avoir reçu un tuyau selon lequel le footballeur pourrait aider l'enquête. Dimanche, le journal The People avait affirmé que Justin Fashanu essayait de vendre des révélations sur des relations avec des députés conservateurs. À la police, il a nié toute implication. Que vous a demandé la police hier ? Eh bien, ils m'ont demandé si j'avais rencontré cet homme, si je savais quelque chose. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un député. Après la mort de Stephen Milligan, Justin Fashanu explique avoir voulu vendre de fausses informations à la presse. Mentait-il pour ne pas être impliqué dans l'enquête ? C'est ce qui a parfois été suggéré, bien que la police l'ait définitivement mis hors de cause. Et pour son équipe d'alors, les Hearts d'Édimbourg, c'en est trop. Le joueur est renvoyé pour « conduite indigne d'un footballeur professionnel », je cite. Après quelques années supplémentaires à l'étranger, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Justin Fashanu met officiellement fin à sa carrière de joueur en 1997. L'année suivante, il est engagé comme entraîneur du Maryland Mania, une équipe de Baltimore aux États-Unis. Mais il n'aura pas le temps de voir son équipe jouer. Avant le début de la saison, Justin, 37 ans maintenant, invite chez lui un groupe de jeunes joueurs, tous mineurs, pour boire des bières. Le lendemain, l'un d'eux, âgé de 17 ans, porte plainte pour viol. Interrogé par la police, l'entraîneur nie, le jeune homme était consentant et il aurait fait chanter avant de recevoir de l'argent. Alors, agression ou chantage ? Consentement ou abus ? La justice n'aura pas le temps de trancher. Sous le coup d'un mandat d'arrêt et d'une procédure d'accusation pour agression sexuelle au deuxième degré, passible de 20 ans de prison, Justin Fashanu s'envole pour le Royaume-Uni. Sur les murs de son appartement de Baltimore, cette inscription aurait été retrouvée. « Je ne peux rien y faire, je suis gay, désolé, au revoir. » Après un court séjour dans un monastère anglais, l'ancien joueur appelle son agent, Eric Hall, organisateur de son coming out en 1990, pour lui demander de vendre sa version des faits à la presse. Mais l'agent ne répond pas. Justin Fashanu est désespéré. Le 2 mai 1998, sa nièce de 10 ans, Amal, la fille de son frère, l'attend chez elle. Ce jour-là, son oncle doit l'emmener visiter le studio d'Elton John. Mais Justin n'arrivera jamais. Il est mort. Son frère raconte. Pourquoi il ne m'a pas appelé ? Peut-être qu'il a pensé que cette fois, c'était trop. Justin disait qu'il voulait arrêter les controverses, qu'il voulait aider la famille au lieu de l'impliquer dans ses problèmes. Je pense que ça a été sa façon de dire « ça suffit ». Ce qui est douloureux, c'est de se rendre compte qu'on ne va plus jamais voir son frère, qu'on soit proche ou pas. En réalité, je n'étais plus en conflit avec mon frère. La plupart des familles ont leurs conflits, Et souvent, le frère avec qui tu te disputes le plus, c'est celui que tu aimes le plus. C'est la vie. Il me manque. Le corps de Justin Fashanu, 37 ans, est retrouvé pendu à un câble électrique dans un garage désaffecté de Shoreditch, un quartier alors populaire de l'Est londonien. À ses côtés, une lettre de 3 pages, où l'ancienne star du football anglais réassure n'avoir agressé personne. Il explique que s'il a quitté les États-Unis, c'est pour fuir le procès sans doute partial, que ses préférences sexuelles et sa couleur de peau auraient impliqué dans un État, le Maryland, où l'homosexualité est un délit. J'espère que Jésus, que j'aime, va m'accueillir dans sa maison. J'y trouverai enfin la paix, conclut-il. Je préfère mourir plutôt que causer encore plus de tristesse à mes amis et ma famille. Justin avait ses failles. Il recherchait perpétuellement l'attention. Mais c'était surtout un homme joyeux, drôle, qui croyait en l'amitié et en l'amour. Rien ne laissait suspecter un tel désespoir, un tel écart entre la réalité et le masque souriant que le joueur portait. Pour une certaine presse et pour un certain public, cette mort restera longtemps la conclusion tragique d'une destinée entachée par les perversions sexuelles supposées du joueur. Car si Justin Fashanu s'est suicidé, pense alors beaucoup d'anglais, c'est parce qu'il est coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Même si à ce jour, le joueur reste présumé innocent, rappelons-le. À l'époque, rares sont ceux qui pointent du doigt la responsabilité du monde du football, entraîneurs, joueurs, supporters, dont certains au QI de poisson rouge. Car dès son plus jeune âge, le joueur, déjà fragilisé par une enfance en famille d'accueil, a subi dans les stades tant de remarques et insultes racistes, imbéciles et cruels. En grandissant, et alors qu'il tentait de vivre en accord avec lui-même, Justin Fashanu a dû faire face à un autre type de violence verbale et de discrimination profondément ancré dans la culture footballistique, l'homophobie. Il faudra plusieurs années pour que Justin Fashanu devienne enfin le symbole qu'il méritait d'être. En 2012, sa nièce, Amal Fashanu, la fille de son frère John, réalise un documentaire pour la BBC, Britain's Gay Footballers. Elle y découvre avec étonnement, sans révéler de nom, que plusieurs footballeurs de première ligue taisaient leur homosexualité. 7 ans plus tard, à l'été 2019, Amal Fashanu crée la fondation Justin Fashanu afin de, c'est son slogan, tacler les discriminations dans le football, notamment grâce à l'éducation, son cheval de bataille. Aux côtés de la jeune militante, un soutien inattendu et porteur d'espoir, son père, John Fashanu, le frère cadet de Justin. Plus de 20 ans après le suicide du joueur, qu'il avait publiquement conspué après son coming out, l'ancienne star du Wimbledon FC a fait son mea culpa. Pour que jamais plus, un jeune homme ne souffre d'être rejeté par la planète foot en raison de son identité sexuelle, qui fut pour son frère, devenu profondément croyant, un chemin de croix. Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus que tout ça c'est de la rime à 2 balles et demi-mots que t'as même jamais l'utile. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus. De ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça, t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible. Je resterai insensible. Face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'étais jaloux que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pédir ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire, car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter. L'air qui te trempera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sur moi que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des blabla, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Je resterai insensible, insensible face à tes cris sans moi que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Justin Fashanu, l'homophobie dans le foot, dont nous allons parler avec notre invité au téléphone, Johan Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes footballeur amateur, auteur du livre « Je suis le seul joueur de foot homo », enfin j'étais, hein, tel est le titre, publié chez Texte Gay en 2009, et vous avez réalisé également le documentaire « Footballeur et homo au cœur du tabou » co-réalisé avec Michel Royer, produit par No School Productions et diffusé sur France 2 le 2 mai dernier. Voilà. Alors, tout commence, c'est exact? C'est exact, enfin, produit par Gaël Leblanc de chez Elephant Doc, mais c'est presque, enfin c'est pas grave, mais ouais. C'est bien ça pour qu'il alors, vous... au mois de mai dernier. Très bien, tout commence donc en 2009, vous jouez en amateur, vous êtes au FC Chose dans les Ardennes, et vous révélez votre homosexualité. Que se passe-t-il à ce moment-là et comment ça se passe? Forcément, hein, c'est compliqué, on a entendu l'histoire de Justin Fashanu, on peut se rendre compte. Bon, c'est quand même un peu différent parce que lui était professionnel, mais c'est très tabou dans le milieu du football. Et pour ma part, bon, ben, j'ai connu ça, sauf que c'est dans le milieu amateur. C'est... Au début, on rigole, après, on rigole un peu moins. Et puis voilà, ça finit un moment ou un autre par casser parce que des joueurs ne rigolent plus du tout et puis disent « Je ne veux pas me laver avec un PD, je ne veux pas jouer avec une tarlouse. » Et forcément, l'entraîneur, le président des clubs, doit faire un choix. Et là, c'est hélas la compétition qui prend le dessus. Si le joueur est meilleur que vous, s'il est fort, eh bien beaucoup de coachs vous diront ben moi les conneries de PD, je m'en fous, moi je veux gagner le dimanche, donc je ferai jouer l'homophobe. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé dans les années 2010 en ce qui me concerne. Et ben voilà, ils m'ont sucré ma licence en 2010 et c'était un petit peu compliqué derrière. Ah oui, j'imagine. Quel était votre sentiment, sentiment de violence assénée, parce que c'est violent ça, mais encore. Ouais, c'est de l'injustice. Alors, c'est violent quand ça vient déjà des adversaires, mais quand ça vient des coéquipiers, c'est encore pire, parce que vous êtes en quelque sorte rejeté par les gens avec qui vous aimez être, par vos coéquipiers de foot. C'est avant tout du plaisir, c'est une passion. Donc quand ces gars-là vous rejettent, il reste pas grand-chose derrière. Hein. Le sport, en principe, ça doit réunir tout le monde. Donc beaucoup d'injustice et puis de la déception, du dégoût envers les entraîneurs. Parce que avant d'être entraîneur, ils sont éducateurs, j'ai envie de dire. Et qui dit éducateur, forcément, ils sont là pour apporter des valeurs. Et je pense que tout le monde a sa place, hein, quelle que soit sa différence. Donc quand on espère de sa passion de vivre mieux sa différence, quelle qu'elle soit, et que c'est pas possible, eh bien c'est assez catastrophique. Hein. Donc c'est tabou, on voit que très peu osent le faire, et il faudrait se poser des questions. Pourquoi c'est si compliqué d'être homo dans le foot? On va s'en poser, c'est le cœur de notre sujet. Mais d'abord, vous vous attendiez à ces réactions? Il y avait des signes avant-coureurs? Ou vous avez été doublement blessé parce que surpris? Oui, non, enfin... Oui ou non? C'est un peu compliqué, oui et non, parce que... déjà avant de le dire, quand vous entendez un entraîneur ou un coéquipier de dire voilà, on n'est pas des PD, il y a beaucoup d'insultes dans le football, vous le savez, hein, dans le sport, il y a toujours des insultes sur le terrain et même dans le vestiaire pour essayer de remobiliser, motiver les gens. Tout de suite, on parle de, on n'est pas des gonzesses avec du sexisme, on n'est pas des tarlouses, tout ça pour essayer de se donner du courage. Donc forcément, ces propos-là, je les avais déjà entendus. Donc je suis pas naïf, hein. Je m'attendais que voilà, dire bon, ben ils vont peut-être se calmer avec ces mots-là, ils vont peut-être le dire moins sur le terrain. Bon ben non, là c'est la déception. C'est-à-dire que après, vous connaissez la, en quelque sorte, l'homophobie directe. Avant, elle était un peu diffuse, hein, on dit PD, mais on est persuadé qu'il n'y en a pas dans le vestiaire, hein, on n'est pas des PD, mais on s'en fout, il n'y a pas de tarlouse dans le vestiaire, donc ça, quand vous l'êtes et que vous ne le dites pas, vous le prenez en pleine face, et puis c'est déjà compliqué, mais quand en plus c'est visé, on vous dit maintenant on sait que t'es homo, mais on assume nos propos, et t'es une grosse tarlouse et je veux pas jouer avec toi, bon ben là c'est pire, là on sait très bien que c'est la pure discrimination, et que, on se dit, si même dans le jeu, même dans le football, dans le plaisir, on peut pas jouer, ça devient compliqué. Alors, on va parler des choses qui fâchent, et évidemment. Je disais tout à l'heure dans le texte, assez violemment, que les insultes racistes ou homophobes de la part des supporters sont des supporters qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas la connaissance pour être tolérants, donc je les avais traités de cerveau de poisson rouge. Ceux-là, oui, les autres, non, évidemment. Mais ceux qui insultent comme ça, quel est le rapport entre le football, la planète football, et ce nombre encore très important de gens qui se trouvent dans les tribunes, qui sont soit homophobes, soit racistes, ou les deux? Est-ce que le football porte ça? Parce qu'on vient à s'en poser la question, finalement. C'est vrai que dans les tribunes, on entend quand même pas mal d'insultes et pas mal de propos homophobes. Déjà, ils se sentent pas concernés. Pour eux, il n'y en a pas sur le terrain parce que c'est déjà tabou dans le milieu professionnel. Les joueurs osent pas en parler. On pourra en reparler un petit peu, mais dans notre documentaire, on a vraiment, vraiment, vraiment galéré à essayer de trouver des footballeurs professionnels. Simplement, oui, on va en parler après, dire, bien sûr. Voilà, simplement pour dire, il n'y a pas de souci à jouer avec un footballeur homo. Même ça, c'est compliqué à dire. Donc dans les tribunes, les gens, ils se sentent pas concernés. Il n'y a pas d'homo, on s'en fout. C'est marrant, on se motive, c'est du folklore, hein. Et beaucoup disent, je connais même des supporters homo qui disent, moi je le prends pas pour moi parce que en fait ils insultent le maillot, ils insultent le club que je représente, mais ils insultent pas ma personne. Voilà ce que certains spectateurs ou supporters homo diront. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, cette histoire. Évidemment, c'est pas bien, hein, on est tout d'accord. On a beau dire que c'est du folklore, qu'on insulte les adversaires de Tarlouze et de PD, il y a un moment, il faut se remettre en question et se dire qu'on n'est pas obligé de dire ça pour essayer de motiver son équipe. Hein. On peut être marrant, on peut mettre de l'ambiance, et puis aller au-delà. C'est vrai aussi, dans le documentaire, on a pas mal creusé la question, on a essayé de chercher des supporters, et j'en ai pas trouvé. Hein. Alors, il y en a, attention, hein. Mais qui assument de la pure homophobie, qui vous disent nous, on a un supporter dans la tribune PD avec nous dans les ultras, on lui casse la gueule, ça on l'entend pas. Alors ça doit exister, je dis pas que ça n'existe pas. Mais à chaque fois, on a eu des réponses qui sont un petit peu encourageantes, j'ai envie de dire, hein, qui disent non, il n'y a aucun souci, moi ça me pose pas de problème, que les joueurs fassent déjà leur coming out, que les joueurs en parlent déjà, et peut-être qu'après, on fera gaffe, mais pour le moment, on dit ça, mais on le pense pas. Voilà ce qu'on entend régulièrement. Mais... Enfin, je ne dis pas que c'est une excuse, mais on va dire que ça nous calme un petit peu en quelque sorte. Oui, mais il reste quand même, même si ça part d'un sentiment pas si mauvais que ça, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de dire, on est quand même à 30 ans, 40 ans de retard sur les évolutions de la société française notamment, et heureusement il y a eu des évolutions positives sur le regard qu'on porte sur les homosexuels. Je rappelle qu'avant 81, c'était encore un délit. Donc il y a une évolution positive, c'est pas fini, il y a encore des efforts, bien sûr, mais il y a une évolution positive. Pourquoi? Ce milieu du football, c'est quand même le sport universel, c'est le sport avec le plus de licenciés, c'est le sport le plus suivi, c'est celui qui a le plus d'impact, donc là c'est grave. Pourquoi un sport comme ça, aussi important, à 20 ou 30 ans de retard? Ça paraît complètement fou quand même. Vous avez complètement raison, hein, et c'est dépitant, hein, j'ai envie de dire, mais parce que ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un homme politique. Ça peut être un jeune de quartier, un ouvrier, ça peut être n'importe qui se lève et qui insulte l'arbitre d'enculé, de pédé. Hein. On va dire les mots tels qu'ils sont, on va pas faire semblant, on va dire les choses. Bien sûr. Et pourtant, une personne qui peut être avec son fils de 10 ans à côté de lui, et puis qui rentre chez lui le soir et qui, le lundi, vous dira « je te préviens, si tu fais attention à ce que tu dis », etc. Donc c'est vraiment particulier, la tribune, c'est la ferveur, c'est le monde, le groupe, hein, on est beaucoup, on se sociabilise les uns les autres, on se monte le bourrichon pour gagner. C'est la passion immodérée, j'ai envie de dire, irréfléchie et modérée. C'est-à-dire que vraiment, quand on a envie de gagner, on ferait tout, on triche, on insulte, on devient mauvais joueur, on peut être jaloux, on peut être envieux, on peut critiquer tout ce qui se passe entre nous, avoir de la haine, parce que on perd 1-0. Et au fond, des matchs, il y en a, je sais pas moi, si vous êtes fan du PSG, on a 50 par an, on percevait celui-là, il n'y a rien de grave qu'il y en a la semaine d'après. Et les gens se montent la tête, et la compétition, voilà, le besoin de gagner, le besoin d'exister, parce que les supporters, aussi comme les joueurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont envie d'exister, d'être reconnus, de mettre de l'ambiance, qu'on les regarde, qu'on dise, oh, regardez comme l'ambiance qu'ils mettent. Et tout ça, ben, c'est... le côté virilisme aussi, hein, on est des vrais mecs, on est fort, on a quelque chose à prouver, voilà, de la virilité, de la force, ouais, de la puissance, et bien tout ça amène à cette forme de méchanceté et de bêtise. Mais beaucoup de gens vous diront « Non, non, je suis pas homophobe, je fais attention, mais sur le terrain, il décroche son cerveau dans le stade et puis il dit des conneries. » C'est une espèce d'espace de non-droit, quoi. Une espèce de non-droit, mais attention, vous parliez d'évolution, je suis tout à fait d'accord avec vous, chez les jeunes, quand on va dans les lycées, dans les collèges, même dans les centres de formation, mais le populisme revient, on voit en Italie, il y a eu des cris de singe, il y en a eu en France, il y en a eu en Belgique envers le racisme, ça revient, le conservatisme, alors on le voit en Europe, ailleurs, dans d'autres pays, donc il y a une évolution de la société, mais attention, ça peut basculer à tout moment, et dans les tribunes, même en Allemagne, il y a eu du racisme qui revient, donc il faut faire attention. Évolution et vigilance. Est-ce que vous avez pu rejouer au foot après ce qu'il faut bien appeler la trahison de votre club à Chose? Oui, j'ai pu rejouer au foot dans le club de mon village, qui était au même niveau à l'époque. Et puis, heureusement, il y a eu le Variété Club de France de Jacques Vendroux. Ah, de la maison qui, voilà, de la maison de Radio France, qui m'avait recruté en 2010 et qui m'avait dit « Bon, écoute, on fera ce qu'on pourra, mais on va essayer de montrer l'exemple. » Il y a plein de célébrités qui jouent au Variété. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidés pour le documentaire. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on n'aurait pas eu grand monde. Et voilà, des Laurent Blanc, des Robert Pires, des Carambeux, des Jacques Vendroux, des Larquet, etc. Se sont remis en question. Ils ont dit, oui, effectivement, il y a un problème avec l'homosexualité dans le football. Ben, maintenant, il faut en parler. Il faut briser le tabou. Et grâce à tout ça, bien, on essaye de maintenant motiver le ministère des Sports, hein, la Ligue de football professionnel, la Fédération française du football. Et on sent que ça bouge. Il y a des choses qui se font. Et c'est rassurant, j'ai envie de vous dire. Et vous aurez gagné la partie quand vous pourrez dire il y a un problème avec l'homophobie dans le football et non pas avec l'homosexualité dans le football. Alors, ouais, bien sûr. On va écouter. Je suis pas aussi optimiste que ça. Je suis pas certain qu'on va y croire, mais oui, je l'espère qu'on se dise il y a un problème avec l'homophobie, oui. Voilà, avec l'homophobie. En même temps, je crois, grâce aussi aux médias qui en parlent de plus en plus, on l'a vu avec l'actualité de cet été, hein, les matchs qui ont été arrêtés parce que la Ligue de football professionnel a pris ses responsabilités, a osé de dire maintenant stop, on arrête un match une ou deux minutes parce qu'il y a des chants avec des mots homophobes. Avec la ministre des Sports qui s'est engagée concrètement, ce qui était une chose vraiment surprenante, mais même très courageuse. Eh bien, on se dit, voilà, on rêve que, en fait, dans la tribune, les autres spectateurs se disent, ouais, mais non, mais c'est vrai, ils ont raison, mais pourquoi ils chantent ça, eux-là, pourquoi? Et c'est à eux, maintenant, de basculer dans l'autre sens, pour que les quelques supporters haineux et insultants, ben, arrêtent, tout simplement. Alors, on va écouter, puisque vous le dites, puisque vous en parlez, on va écouter Noël Le Graët, président de la FFF, la Fédération Française de Football. En septembre dernier, voilà ce qu'il disait sur France Info. Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Je suis contre totalement, mais je veux pas être pris en otage sur l'homophobie. C'est pas vrai. On a, il n'y a pas d'omerta. Il y a une volonté farouche de faire en sorte, effectivement, qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. On arrête un match. J'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair. Hein, comme quoi, tout le monde n'arrête pas un match pour homophobie, Johan Lemaire. Et c'est le patron du football qui parle. Ça fait peur, mais ça démontre bien qu'il y a un problème. Hein. Il veut bien arrêter un match pour du racisme. Bon, là, il se dit, bon, bah, effectivement, le racisme, c'est pas bien, mais il dit non pour l'homophobie. Oui, il y a un problème. Là, au moins, ça démontre bien qu'on a raison d'en parler, que Nathalie Bouet-de-Latour ou la ministre des Sports ont raison d'en parler, jusqu'au président de la République, hein, qui, sur France Info, était pour les arrêts de match. Hein, oui. Il l'avait dit au micro de France Info, même avec Jacques Vendroux, il avait dit « Je suis pour que les matchs s'arrêtent en cas de champ homophobe ». Et Noël Le Grey, un peu tout seul, pense l'inverse. Bon, ça fait peur, mais nous, avec les associations, cette année, on espère une chose, c'est qu'on va les solliciter, la FFF, on va continuer de les solliciter, on va essayer de voir si l'équipe de France serait prête à faire un geste, un clip, un mot, quelques interviews, quelque chose de sympa. Avant l'Euro, par exemple, une campagne avant l'Euro. Bien sûr, avant l'Euro, ce serait plutôt pas mal. Hein. Un match amical, ils peuvent mettre un petit signe, Gefundme. Enfin voilà, parce que jusqu'au maintenant, seul Antoine Griezmann avait accepté de participer à notre documentaire. Les joueurs veulent pas en parler. Et moi, je pense que ils ont tout à gagner à le faire. En fait, le football a tout à gagner de se débarrasser de la haine, de la violence, de l'homophobie. C'est quand même mieux. Quand vous êtes parrain d'un gamin, de dire, écoute, je te mets dans un club, on sait que je sais que ce club, il a de belles valeurs. Voilà, il ne discrimine pas, il n'insulte pas les femmes, il n'insulte pas les homosexuels, il n'insulte personne. C'est quand même mieux, non? Pour l'image du football et pour les gamins. On va écouter un extrait de votre documentaire maintenant, footballeur et homo au cœur du tabou. Alors, heureusement, il y a des footballeurs qui sont choqués par l'homophobie aujourd'hui. On ne peut vivre en dehors de son temps, de ses évolutions souhaitables et accomplies. Donc, Olivier Giroud, tiens, par exemple, s'est élevé contre les pratiques homophobes dans le foot. C'est pas rien, quand même, Olivier Giroud. Tout comme une autre grande vedette de l'équipe de France et du Barça, la star Antoine Griezmann. Dans ce documentaire, vous lui demandez quelle serait sa réaction si un jour, un joueur de son équipe assumait son homosexualité. Non, je pense déjà fier de qu'il puisse le dire et voilà, le faire comme ça publiquement. Et je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres. Et après, voilà, s'il reçoit des critiques, parce que sûrement il y aura toujours des critiques comme on peut l'avoir nous, l'encourager à être fier et à continuer à être heureux. Tout faire pour être autour de lui et montrer que, voilà, que c'est normal, c'est quelque chose de normal. Que ça soit supporter, joueur, entraîneur, club, président, essayer de montrer le bon exemple. Ça pèse, hein, une parole comme celle-là quand même. Extraordinaire, parce que tout d'abord j'ai toujours rêvé d'entendre ça d'une grande star, et là c'est Antoine Griezmann, à quelques centimètres, en vous regardant dans les yeux, et il était très sincère parce qu'on a pu en parler avant et après, il dit je serais fier en gros qu'un de ses coéquipiers ose annoncer son homosexualité, parce que c'est très compliqué, on l'a compris, et lui il le dit, on sera là pour le soutenir. Et je serais fier de jouer avec. Donc ça, c'est génial. Non pas d'être fier, d'être gay, c'est pas la question. Fier d'assumer, de se dire, écoute, on va se faire insulter, mais on va assumer et on va t'aider. Et ça, c'est génial. Et derrière, il y a une chose importante, il faut montrer l'exemple. Donc on a besoin d'exemplarité, c'est évident. C'est pour ça que je vous parlais de l'équipe de France. On en rêve que l'équipe de France montre l'exemple une fois dans l'année. C'est quand même pas très compliqué. On rêve que nos politiques, que le gouvernement aussi continue, que la Ligue de football professionnel continue, parce que l'exemple vient d'en haut, hein, et c'est à ces footballeurs de sensibiliser au maximum. Nous, avec notre association, on a créé une association, on essaie d'aller dans les centres de formation, on a prévu de faire, parce que la LFP a tout un programme éducatif qui s'appelle le Open Football Club, pour aller discuter avec les joueurs, les gamins des centres de formation, discuter aussi avec les entraîneurs. Et ça, c'est primordial. C'est important. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Si les gamins, on ne commence pas à aller voir dans le club du PSG ou de Caen ou de Troyes ou n'importe où, d'en parler à leurs éducateurs, de leur parler aux référents socio-éducatifs, de parler aussi aux référents des supporters aussi, c'est important. Eh bien ça, heureusement, la LFP commence à le mettre en place. Enfin bon, ça fait quelques années que ça existe, mais il faut continuer, et ça devrait être obligatoire. Voilà, ça devrait être obligatoire, et surtout pour les éducateurs, parce que ça va arriver en France à un moment ou à un autre, que l'éducateur doit gérer des problèmes où c'est qu'un gamin lui dit « coach, je suis homosexuel, toute l'équipe se fout de moi parce qu'ils m'ont capté sur Facebook ou ailleurs sur les réseaux sociaux, on fait quoi maintenant ?» Donc, il y a un moment, il faudra apprendre aux éducateurs de régler ce genre de problème. On pourrait peut-être commencer par les entraîneurs, parce que les entraîneurs sont des vrais patrons d'équipe, hein, souvent. Donc, les joueurs les appellent souvent Mister. Enfin bon, il y a une espèce de déférence hein, devant l'entraîneur, qui est une figure normalement charismatique et autoritaire. Peut-être que ce serait le premier levier à activer, non ? Vous avez complètement raison. L'entraîneur, c'est hyper important. Moi, je l'ai connu à mon petit niveau. Quand l'entraîneur dit des conneries, vous avez des joueurs qui sont absolument pas homophobes. Mais dire à rien, parce qu'il a envie de jouer. Il a envie d'être faillot aussi pour avoir sa place alors qu'il est mauvais. Vous savez, souvent, les mecs ont un mauvais comportement, c'est les remplaçants, hein, c'est les joueurs médiocres. Un défaut d'être bon, ils peuvent être mauvais et méchants sur le terrain pour essayer de gagner. Vous avez Christophe Gatier qui avait dit « il n'y a pas d'homophobie dans le football », là, il a dit ça cet été, « c'est pas possible, il n'y en a pas ». C'est des erreurs de dire ça, c'est complètement fou. Comment un entraîneur professionnel peut dire des conneries comme ça? Bien sûr qu'il y a de l'homophobie, bien sûr qu'il y a du racisme aussi. Donc les éducateurs doivent être prêts, doivent être formés. Et ça, c'est pour ça qu'il faut absolument que le gouvernement et la LFP et la FFF le fassent. C'est de former les éducateurs à faire attention aux mots, à apprendre à détecter aussi des problèmes dans le vestiaire d'homophobie, parce qu'un joueur va peut-être souffrir d'homophobie. Même s'il est hétéro, on peut souffrir d'homophobie. Donc voilà, faire attention à ce qu'on dit, parce que les mots peuvent tuer. Bien sûr. Comme Justin Fashionou. Bien sûr. Si j'ai bien compris votre documentaire, vous esquissez, je crois, aussi l'idée d'une homophobie refoulée. En fait, vu le nombre de joueurs professionnels qui ont fait leur coming out proche de zéro, on se demande si les joueurs eux-mêmes ont la possibilité d'accepter qu'ils sont gays lorsqu'ils le sont. Vont-ils refouler leur identité sexuelle parce qu'ils ne s'autorisent pas, parce qu'ils sont footballeurs? Absolument. C'est évident. J'en ai même connu avec des joueurs d'un bon niveau, DH voire CFA2, eux-mêmes homosexuels, on le sait parce qu'on voilà, sur les applications pour homosexuels, ils vont dessus et sur le terrain, ils ont des comportements homophobes. On marche sur la tête, mais c'est une réalité de peur, tout simple. Et ces gens-là, après, on en rediscute un peu. Après le match, surtout pas en parler pendant le match, mais quelques temps plus tard, ils ont peur. Ils ont peur de la réaction des coéquipiers, des adversaires, de l'arbitre et des quelques spectateurs. Parce que le milieu amateur, ce qui est pire par rapport au milieu professionnel, c'est qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journaliste. Mais oui. Quand vous faites insulter de Tarlouse tout le long du match par les quelques mecs qui sont à la buvette et qui sont un petit peu déchaînés parce que son équipe perd 3-0, et qu'on vous insulte de PD, l'arbitre, il fera rien. Très très rare quand l'arbitre intervient, parce qu'il revient à l'arbitre aussi dans ces matchs-là, donc il n'ose pas intervenir, et on laisse couler. Et vous, vous faites insulter tous les noms, et tout le monde trouve ça normal, ou on rigole, on dit mais non, c'est pour déconner, mais non, c'est pas pour rire du tout. Donc donc le joueur homo, il se tait. Bien sûr, il se tait. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Hein. Alors, l'objectif, c'est pas de chercher qui est homo, qui est hétéro, tout ça. Réellement, on devrait se dire. Mais on s'en fiche. On regarde du foot, nous. Ben voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Il y a une vie sociale autour du foot, c'est-à-dire, moi je dis simplement ça, c'est que pour la cohésion d'un groupe, il faut aussi que l'homo puisse venir avec son copain pour aller boire une bière après le match, tout simplement. Yann Omer, on va se quitter maintenant, ce sera le mot de la fin, ce que vous venez de dire, parce que le temps, c'est le temps, en radio, il est incompressible. En tout cas, merci pour votre témoignage et vos éclairages. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui local. Justin Fashionou, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.